ma chola, je dis ta demi tête. Il faut ça, cette fois je suis dans les fours avec nous et contre le jour fait de ma chambre. Justice à deux vitesses, il faut ça. Cette fois je suis tombé pour un vélo et compte toujours c'est bien machin. Justice à deux vitesses, il faut ça. Cette fois je suis tombé pour un vélo et compte toujours c'est bien machin.